Est-ce que vous êtes tous prêts pour la première, Daft Punk? D'accord, je fais le petit décompte, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti, vous êtes sur Daft Punk. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, ça me fait super plaisir de vous voir aujourd'hui sur Daft Punk, hein, Radio Fadjet évidemment, 94.2. Alors, l'objectif de cette émission, 30 minutes de pur plaisir, de pur pleasure, de découverte de son funk, de son sound, de son disco, puis peut-être des fois, j'irai un peu plus loin, un peu d'improvisation, n'est-ce pas? Alors, évidemment, le but principal, c'est de vous faire sourire, mes amis. Aujourd'hui, il y a du soleil, d'accord? Mais le plus important, c'est d'avoir le soleil dans le cœur. Et pour ça, il faut du funk, les amis. Alors l'objectif, hein, ce sera toujours des petites infos sur les chanteurs funk, sur les groupes funk et aussi sur leurs histoires. Et puis, bah, on va commencer tout de suite avec le son d'intro, hein, que je vous fais découvrir. Il s'agit de George Duck, Reach Out. Je vous laisse découvrir. Prenez du pur plaisir, vous êtes sur iFunk Radio Fadjet 94.2 et vive le funk! I've got no heavy complications to keep my love from coming straight to you. Though you are smiling with another, your eyes keep telling me you just don't care. If we could talk just for a minute, I'd get your number and we'd go from there. J'espère que vous kiffez quand même, hein? Hein? George Duck, Reach Out! Sachez une chose, et c'est très important, quand on écoute du funk, c'est très important de listen the beat, you know? D'écouter le rythme. En gros, attendez, parce que moi j'entends plus le son. En gros, hein, finalement, peu importe où vous êtes, les amis, profitez, chantez là où vous êtes. Hein, c'est pas grave les autres, c'est pas grave. Le plus important c'est le funk, mes amis. Oui, oui, je dis que le plus important c'est le funk. En tous les cas, voilà, c'est Reach Out, George Duck. Eh bien, en tous les cas, maintenant je vais vous présenter évidemment un des sons, si ce n'est le premier son funk, donc c'est quand même pas mal pour commencer l'histoire du funk, parce que je vous rappelle aussi, on écoute du son et aussi on découvre un peu son histoire, c'est un peu l'objectif de ces 30 petites minutes. Eh bien, je vais vous présenter justement James Brown, le parrain du funk. Alors, il faut savoir que James Brown, il nous a pondu un son en 1965 qui... Si vous voulez, en gros, dénoter totalement avec ce qui se faisait actuellement sur cette période-là. Donc, on était beaucoup dans les balades, dans la soul, des choses plutôt romantiques, plutôt gentillées, hein, n'est-ce pas? Et lui, il arrive avec quelque chose de très percutant. D'ailleurs, je vais vous lire, si vous voulez, son explication du funk, puisque c'est à partir de lui, hein, quand même, que justement, on a découvert un autre univers. Alors, c'est parti. Ce que j'ai créé, c'est cette apparente simplicité musicale, le jeu sur un seul accord. Tout ça vient du gospel, auquel sont ajoutés des plans de jazz. C'est ce qui a donné aussi la soul music. Elle n'a rien à voir avec le rock et la country. On a mis des accords de 7e et de 9e, plus tout un mélange de rythmes qui faisait le groove. C'est ça l'innovation. Alors oui, je fais des accents américains, you know. C'est pour le style, hein, c'est tout, hein, je suis pas bilingue. Alors, on a créé une forme de musique différente. Dorénavant, il y a Brahms, Beethoven, Bach et Brown. Voilà, faut savoir aussi hein, qu'il était un petit peu imbu de lui-même. Hein, il avait une couronne, tout ça, c'était vraiment le roi. Mais on ne lui veut pas beaucoup de mal puisqu'il nous a offert le funk et c'est assez cool. Alors, moi, je joue la musique du tiers-monde. Nous jouons pour ne plus être dominés. Alors il fallait que ce soit plus dynamique que quiconque. Il fallait qu'il y ait de la force, comme si nous étions 50 musiciens. James Brown, The Star of the Week, 1986. Voilà, donc on va en profiter justement pour découvrir ce fameux premier son qui était pendant 8 semaines top des charts R&B, justement aux États-Unis, aussi top en Europe aussi. Il s'agit, eh bien, de James Brown, Papa's God's Brand New Bag. C'est sur Fat Jet et surtout... C'est sur iFunk, c'est parti! James Brown, Papa Got a Brand New Bag. Voilà, donc là c'est juste, je vous fais écouter en même temps la fin, en même temps on va en discuter. C'est vrai que quand on écoute, on a un peu l'impression que c'est un son plus old school, mais c'est aussi du funk. Hein. Évidemment, juste après, je vais vous faire écouter un son beaucoup plus récent, en tous les cas que vous avez dû entendre et entendre dans plusieurs chansons qui ont été reprises, mais tellement de fois parce qu'elle est tellement géniale. Je crois que je vais vous la faire écouter. Ouais, c'est ça en tous les cas. Hein, si jamais vous aviez oublié ou si jamais vous venez d'arriver maintenant, sachez que vous êtes actuellement sur iFunk, la radio la plus funky, évidemment. Et vous êtes surtout, c'est le plus important quand même, la radio Fadjet 94.2. Alors, donc là, je vais vous faire, comme je vous disais, un son un peu plus récent. Hein, on va mettre c'est un peu, je dirais, plus disco. Alors, selon Wikipédia, ce serait de la soul. Alors, il ne faut pas tout écouter avec Wikipédia. Hein. Il y a du bien et il y a du moins bien. Hein. En tous les cas, pour ceux qui ont déjà joué à Vice City, ils connaissent ce son, évidemment. Je crois même que maintenant, quand on va sur Internet, on voit le titre et le logo du jeu vidéo, tellement il a matché auprès des gens. C'est évidemment Fat Larry's Band, Act Like You Know. Et c'est sur iPhone, mes amis. Alors, pour profiter de ça, il faut danser. Non, je ne sais pas où vous êtes. Faudrait pas avoir la honte quand même. C'est parti. Fat Larry's Band, Act Like You Know. Yeah, you wanna know? Act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah, when you're feeling down and low and you need a place to go. Fat Larry's Band, Act Like You Know. Et vous êtes actuellement sur... C'était une question. Et vous êtes sur iFunk, mes amis. Radio Fadjet 94.2. Alors, Bah, le temps passe super vite, hein, déjà, et moi, je fonctionne vachement à l'impro. Bon, il y a quand même des sons, hein, je vous assure que j'ai déjà prévu. Mais là, je sais pas, je voulais, d'un coup, vous voyez, c'est musical, c'est quelque chose de vivant, hein. Et finalement, j'ai envie de vous faire découvrir, ou redécouvrir, évidemment, Kool & The Gang, hein. Donc, Kool & The Gang, un groupe énorme qui a cartonné dans les années 80, disque de platine, disque d'or, disque d'argent, tous les disques, platine de disque. En tous les cas, c'est évidemment... Alors là, on est plus dans le disco, d'accord ? Mais I Funk, c'est aussi du disco, je vous rappelle. Et donc, bah, évidemment, un des sons que j'adore, j'adore tous les sons, hein, de Kool & The Gang. Et ensuite, je vous parlerai d'une petite info que j'ai eue il y a quelques instants, hein, justement sur... Celebration, c'est Celebration de Kool & The Gang. On est en 1980 et c'est parti et vive le funk! Donc, Celebration Kool & The Gang en 1981. Alors, du coup, pour la petite histoire, hein, pour les petites histoires, il faut déjà savoir que ce son était tellement stylé qu'il a été repris deux fois, hein, donc intégralement. Donc, c'est pas une reprise, hein, donc c'est vraiment le son. Hein, donc, ça a été repris par Kelly Minogue. Alors, je m'en souviens pas. Je vais pas vous mentir, je ne m'en souvenais pas. Kylie Minogue, donc, apparemment, elle a fait ça, donc, en 1992. D'accord? Et aussi, par Dragon. Hein, donc Dragon en 1987. Alors pour la petite histoire, pour ce son, hein, Celebration en particulier, c'est intéressant de savoir. Donc j'ai trouvé ça pendant qu'on écoutait le son, puisque c'est de l'impro. Hein, donc je découvre ça, je vous fais découvrir avec moi. Donc l'idée initiale, donc c'est Ronald Bell, donc le saxophoniste du groupe en gros, qui nous dit l'idée initiale vient du Coran. Alors étonnant, d'accord. Je lisais le passage où Dieu créa Adam, d'accord, et les anges célébrèrent ça en chantant des prières de chant. Ça m'a inspiré à écrire les accords, d'accord. Everyone around the world command celebration. Et c'est marrant parce que finalement moi j'étais pas au courant, je pense que vous non plus, c'est toujours intéressant de découvrir un petit peu d'où ça vient, d'accord. Donc en fait Celebration a un truc beaucoup plus, un truc de fou quoi, d'accord. En tous les cas, hein, évidemment, j'espère que vous profitez toujours, j'espère que vous allez bien, hein, que ça funk, hein. Vous êtes toujours sur iFunk, vous êtes toujours sur Radio Fajet, vous êtes toujours sur 94.2, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Hein, je vous rappelle, moi c'est Dorian, on profite ensemble d'un petit peu de funk. Hein, et puis, je vais en profiter pour vous faire découvrir un autre son que je voulais déjà vous faire découvrir, du coup. Donc là, je reviens sur... parce que ça, là, c'était une petite folie, d'accord. Cool and the Gang, parce que j'adore ça. Là, j'ai envie de vous parler un petit peu de d'Anita Ward's Ring My Bell. Donc, je vous fais écouter. Et ensuite, je vous explique un petit peu l'origine de cette musique et ce qu'elle veut vraiment dire. C'est très important. Je vous vois tout de suite après, d'accord. Et en attendant, je vous fais découvrir et je vous laisse profiter, évidemment, Anita Ward's Ring My Bell. Belle, c'est parti. Yeah. Anita Ward, Ring My Bell. Et donc, je vais pouvoir en profiter. Maintenant que vous avez écouté un petit peu le son, on discute un petit peu tranquillement. Il nous reste déjà plus que 4 minutes. Hein, le temps passe super vite. Je vous mettrai le son le plus court juste après. Je vous mettrai ça. Je vous rappelle, juste pour que vous sachiez un petit peu. Donc là, vous dansiez, tout ça. Ring my bell. Sans doute depuis des années, peut-être même des dizaines d'années. Anytime, anyway, sing it. Sauf que, le début de l'histoire, elle est cool. Évidemment, au début, c'était pour une gamine de 11 ans, d'accord? Ring my bell. Donc, il joue avec le téléphone, tout simplement. Donc, c'était une chanson pour endormir la gosse, quoi. Ensuite, ça a plu à quelqu'un, d'accord, qui s'est dit, il y a un truc, il y a un potentiel. Les musiques d'enfants, c'est le futur. Surtout si on en fait du funk. Alors, je sais pas comment on en est arrivé au disco, évidemment. Donc, ça a été repris, d'accord? Donc, en version adulte. Alors, ça veut dire quoi, une version adulte? En fait, il y a plusieurs traductions à « You can ring my bell », donc comme je vous disais, faire sonner mon téléphone, d'accord? Mais il faut aussi penser la cloche, d'accord? Donc sonner ma cloche, et la cloche, c'est une forme spéciale, d'accord? En gros, l'histoire, je vais pas très loin, parce que il va bientôt être 17h, donc 17h30, donc il y a beaucoup de gens qui écoutent. Mais en gros, l'histoire, c'est un couple, d'accord? Avec le mari rentre, enfin le monsieur rentre, et puis sa femme demande, après une grosse journée, est-ce que tu pourrais t'occuper de moi? Voilà. Donc, je vous laisse deviner, vous-même, ce qui peut ressembler à une cloche dans ce contexte-là. Et c'est ça. Et c'est exactement ça. Voilà, ce sous-entendu. Donc, vous dansiez jusqu'à présent. J'espère pas trop avoir détérioré votre perception de ce son-là. Mais en tous les cas, voilà. Vous dansiez jusqu'à présent pour ça. Les demandes d'une personne, d'une femme spéciale. Voilà. Sur ces belles paroles, on va finir sur un bon son, je pense. Ça peut être sympa. Donc, surtout qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais essayer de vous trouver un son qui dure pas trop longtemps, puisque j'arrête pas de parler. Je crois que on va partir sur j'ai envie de vous faire découvrir tellement de sons, évidemment. Je crois que ça sera pour la semaine prochaine, Et le temps passe vite, mes amis. Déjà la fin d'iFunk. Mais rassurez-vous, mes amis, votre commandant de bord Dorian vous attend la semaine prochaine, samedi, à nouveau. Pour du funk, encore toujours plus de funk. Je voudrais bien faire une petite partie justement sur les samples, donc découvrir d'où vient les sons qu'on entend aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en inspiration funk, donc ça me plaît bien. Donc c'est sans doute ce qui arrivera la semaine prochaine. En tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de semaine, parce qu'on est samedi, une excellente semaine prochaine. Une excellente vie et surtout, mes amis, n'oubliez pas le sourire. Pourquoi ? Parce que le funk est là. Allez, je vous souhaite une excellente encore. Je vous souhaite tout le temps. Et puis à bientôt. Je vous attends de pied ferme, mes amis. Allez, ciao.